장례. 아? 네. 뭐 사지야? 뭐 이뻐봐? 조심. 뭐 알려드릴 말 주지 뭐. Tu laisses, pourquoi je te blesse, pourquoi tu restes, même sans me voir, tu saignes quand je sais, je t'ai promis l'or, mais je suis dans la merde, c'est ma vie, et une tonne de problèmes, c'est ma vie, sans lui, c'est ma vie, à son prix, c'est ma vie, c'est me. Je voulais tous vous mettre bien, loin de mes ennuis, je voulais vous amener. N'appuyez pas, le soleil vient. On va s'en sortir, je vais me relever. Mon fils, tu feras pas comme ton père. Je te mettrai dans de bonnes conditions. Ma fille, je serai ton repère. Oh. Pourquoi je crie? Pourquoi tu laisses? Pourquoi je te blesse? Pourquoi tu restes? Même sans me voir, tu sais quand je sais. Je t'ai promis de l'or. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. C'est ma vie, mais sans lui. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Vous êtes ma vie. Oh. Rebelote, c'est reparti pour une peine. Tu n'attends plus que je rentre, tu attends mes appels. Le parloir, chez pour moi, t'auras tout fait. Laver mes affaires, mais serrer fort jusqu'à m'en étouffer. Tout le temps qu'on passe au téléphone. Je m'endors, j'ai le parfum de ma vie. Tout le temps ta mère dit que de faim. Pourquoi je crie? Pourquoi tu laisses? Pourquoi je te blesse? Pourquoi tu restes? Même sans me voir, tu sais quand je sais. Je t'ai promis l'or, mais je suis dans la merde. C'est ma vie. Et une panne de problèmes. C'est ma vie. C'est ma vie. T'es ma vie. Oh. Moi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et ta petite sœur? Je l'aime aussi. Et... tu m'as manqué. Toi aussi tu vas manquer. Bientôt on sera tous ensemble. Super. Hein? Super.